Adam et Ève par Alphonse Brault. Chapitre 1er. La comtesse Amaranthe de Nangis entrait dans le 15e mois de son veuvage et dans la 22e année de sa vie. Veuve depuis un an à peine, la marquise Ève de Pontchartrain allait voir éclore son 22e printemps. La comtesse de Nangis, avec ses grands yeux bleus pleins de langueur, ses joues roses enjolivées de mouches, ses cheveux, dont un léger nuage de poudre adoucissait l'ébène, semblait créée tout exprès pour poser devant bateau. Capricieuse jusqu'au despotisme, rusée jusqu'à la trahison, spirituelle jusqu'à la médisance, elle était coquette, envieuse, vindicative et, au résumé, charmante. La marquise de Pontchartrain se contentait d'être jolie, gracieuse et blonde. Venue au monde dans la même année, Ève et Amaranthe étaient entrées au couvent le même jour et l'avaient quittée à la même heure. L'une pour épouser le comte de Nangis, jeune et beau capitaine aux gardes du roi Louis XV, l'autre pour unir sa destinée à celle du marquis de Pontchartrain, dont le nom avait figuré pendant 30 ans avec gloire dans la diplomatie contemporaine. Amaranthe, qui s'était mariée par amour, avait vu se former et gronder bien des orages sur son bonheur conjugal. Les beaux fils de la cour criaient bien haut que la faute en était au comte. Les femmes criaient plus haut encore que c'était la faute de la comtesse. Qui fallait-il croire? Cruellement sacrifiée à un mariage de convenance, Ève avait tout simplement fait le bonheur d'un mari qu'elle vénérait, mais qui ne parlait pas à son cœur. Chaque jour, Amaranthe regrettait, au milieu des enivrements du monde, sa liberté perdue. Ève, du fond de la Thébaïde où languissait sans amour sa jeunesse, ses charmes et son cœur, poursuivait saintement près du marquis son œuvre de dévouement, sans donner un soupir au passé, sans former un vœu pour l'avenir. Le premier soin d'Amaranthe, à la mort de son mari tué à Fontenoy, à côté du duc de Gramont, fut de se parer de magnifiques habits de deuil, afin d'aller pleurer chez toutes ses amies un époux passé pour elle à l'état de héros. Ève, devenue veuve de M. de Pontchartrain, échangea sa robe blanche contre une robe noire et demeura pendant une année entière exilée du monde. Dans les derniers jours du mois de juin 1746, deux femmes étaient assises près de la fenêtre d'un petit pavillon attenant un vaste domaine situé à quelques lieues d'Amboise. Toutes deux gardaient le silence, absorbées sans doute dans la contemplation du tableau qui s'offrait à leur regard. Il pouvait être 3 heures du matin. Une immense forêt se dressait à gauche, à plusieurs centaines de pieds au-dessous du pavillon où se tenaient ces deux femmes. Une partie d'arbres noyée dans l'ombre ne présentait à l'œil qu'une masse noirâtre. Une autre partie se montrait dans une demi-teinte de lumière. La lune éclairait le reste. Sur les cimes immobiles des châtaigniers, des pins et des chênes, couraient çà et là des nuées blanchâtres. Au-delà de la forêt, s'allongeait un horizon immense, houleux, tourmenté, semblable aux vagues de la mer. À droite, s'élevaient de larges coteaux à pic en beaucoup d'endroits et plantés de vignes. Au-dessus de ces coteaux, des champs d'avoine et de luzerne. En deçà, de grands saules penchaient dans les eaux d'un étang leur feuillage éploré. Peu à peu, le bleu foncé du ciel se changea en un bleu pâle. La lune et les étoiles blanchirent, les teintes vigoureuses des arbres s'affaiblirent par degrés, les parties de la forêt à demi voilées par l'obscurité et les parties éclairées disparurent dans une vapeur grise. Un brouillard léger enveloppa les coteaux et les sols, et les eaux de l'étang perdirent leur transparence. Quelques instants plus tard, les vapeurs qui chargeaient encore le ciel se fondirent aux premières clartés de l'aurore. C'était le réveil de la nature. Bientôt le soleil se leva. « Eh bien, » dit Ève en souriant à Amaranthe, « veux-tu toujours que je dise adieu à mes champs, à mes bois, à mes coteaux, aux enchantements et aux doux loisirs de cette solitude, pour m'en aller à la recherche d'un bonheur que j'ai ici sous la main ?»« Non, mon ami, » poursuivit-elle, « retourne à Versailles. Moi, je demeure en ces lieux. Tu aimes le bruit, le monde, le luxe, les fêtes, les spectacles. Moi, je ne me sens bien vivre qu'au milieu du calme et de l'isolement. Et je n'échangerai pas contre toutes tes splendides levées de soleil d'opéra le plus humble petit lever de soleil de ma Touraine. Mais, chère belle, répondit Amaranthe, on se lasse de tout à 22 ans, et je t'ajourne, pour continuer cet entretien, à ton 10e lever de soleil. En achevant ces mots, la comtesse de Nangis courut se blottir dans son lit. Eh bien, tu te recouches, s'écria madame de Pontchartrain. Oui, ma chérie. Ton enthousiasme pour la nature en déshabillé m'a valu un refroidissement, et je m'estimerai heureuse si j'en suis quitte pour un rhume. » Ève sortit et rentra presque aussitôt, armée d'une élégante courte pointe qu'elle étendit sur Amaranthe. Celle-ci la remercia par un gracieux sourire. Il se fit quelques moments de silence. La comtesse le rompit la première. « Si je t'ai bien comprise, dit-elle à son amie, tu t'es condamnée à demeurer éternellement veuve. Et toi ? Repartit Ève en se plaçant au chevet du lit d'Amarante. « Moi, fis donc. Mais hier encore, tu prétendais qu'il n'y avait pas de position plus charmante que la nôtre. Sans doute. Tu n'as rien de préférable au bonheur que procure le veuvage. Compare un peu. Qu'est-ce qu'une jeune fille, je te le demande ? Une pauvre créature qui n'a le droit ni de parler, ni de voir, ni d'entendre. Mille regards éloquents lui disent-ils qu'elle est adorable. Vite, bien vite, il faut qu'elle baisse pudiquement les yeux et se dérobe au triomphe de sa beauté. Une voix aimée lui apprend-elle tout bas un secret qu'elle a deviné. Il faut qu'elle ferme son oreille et son âme à cet aveu qui l'enivre. Les lois du monde exigent que ses yeux soient sans regard, sa bouche sans parole, son cœur sans préférence, jusqu'au jour où le mariage rompra un anneau de sa chaîne pour ribber plus étroitement les autres. « Mais si elle aime son mari ?» interrompit la marquise. « Raison de plus, ma chère, pour que sa liberté soit jamais compromise. Rien n'est despote comme un mari qui continue auprès de sa femme le rôle d'amant. Tu sais si feu le comte de Nangis m'aimait. Si je l'eusse écouté, j'aurais déjeuné toute l'année de quatrain, dîné de pastoral et souper d'élégie. Dans le commencement, ça me plaisait assez. C'était de la nouveauté. C'était tes levées de soleil, moins le rhume. Mais au bout de 6 semaines, j'avais une indigestion d'élégie, de pastoral et de quatrain, et pour me changer un peu, j'essayais du régime de la cour. Feu monsieur de Nangis était des plus galants près de moi, mais il avait la prétention que les autres ne le fussent pas. Il voulait bien me trouver divine, mais il n'entendait pas que je parusse telle aux yeux des autres. Bref, sa jalousie d'un côté, ma coquetterie de l'autre, firent de moi la femme idolâtrée par excellence, la comtesse la plus malheureuse de toute la terre. Et si mon mari n'était pas mort héroïquement dans les champs de Fontenoy, je crois, oui, je crois que je ne lui pardonnerais point encore de m'avoir si romanesquement aimée. Vrai, c'est absurde, c'est inqualifiable, et bon à renvoyer aux bergeries de mademoiselle de Scudéry. « Aussi, reprit Ève, n'as-tu que fort médiocrement regretté ce pauvre comte ? Dis que j'ai usé à pleurer toutes les larmes de mes yeux. Mais, parce qu'on est veuve, faut-il être inconsolable ? C'est si doux, d'ailleurs, de se sentir libre, et de pouvoir voler là où bon vous semble, comme un oiseau échappé de sa cage. Plus de mari qui s'effarouche de vos triomphes. Partout, sous vos pas, vous voyez clore des essaims d'adorateurs. Vous les chassez, ils reviennent. Le fruit défendu attend à pas. Maîtresse de votre cœur, vous faites selon votre caprice la pluie ou le soleil dans le cœur de ceux qui vous approchent. Recherchée par les hommes, redoutée des femmes, objet de haine et d'amour tout ensemble, nouvelle Pandore, vous laissez tomber le bien et le mal de votre main. Ah, ma chère, avoue qu'il n'est pas de position au monde plus enviable que la nôtre. Quant à moi, j'étais née, je le sens, pour être veuve. Le noir te va si bien, répliqua Ève en riant. Mais, poursuivit-elle, explique-moi comment, après tout ce que tu viens de me dire des inconvénients de l'hymen et des douceurs du veuvage, tu songes à enchaîner de nouveau ta liberté. Eh mon Dieu, le sais-je moi-même. Attendez un peu, comtesse. Le chevalier de Lauragais serait-il parvenu à toucher votre cœur? L'épouserais-tu? Hélas, il n'y a que la moitié de vrai dans ta supposition, ma bonne Ève. Comment, tu l'aimerais et tu ne l'épouses pas? Au contraire, je l'épouse, mais je ne l'aime point. Mais alors, pourquoi te maries-tu? Par curiosité, ma chère. « Malheureuse avec un premier mari dont je raffolais, je veux savoir si je serai heureuse avec un second que je n'aimerais pas. » Là-dessus, Amarante posa coquettement la tête sur ses oreillers, ferma les yeux et s'endormit.